des histoires, j'en ai marre. J'appuie sur le bouton start. Intercepte juste au hasard. Un cafard tournant de l'œil. Que j'écrase en un clin d'œil. Drôle de drame. Si on faisait un break avec le désespoir. Si on se tirait d'ici. Sur une passoire. Pas pour avoir la tête du mec qui maintenant je l'échec. Je t'enlève de noir, plein d'eau de tes histoires. On décoiffe le cafard, t'es les boires, tes cauchemars. T'es un zapon cafard, t'es complexe, t'es détresse. T'es manque, t'es maladresse. T'es les boires, tes cauchemars. Sure.